Je vous souhaite un très bel après-midi à l'écoute des programmes de la Première. Il se poursuit tout de suite avec Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, histoire du néolibéralisme. On aurait pu penser que la peur allait donc gagner, puisque à la peur du chômage s'ajoutait la peur liée à la crise environnementale. Sciences sociales au travail. Il ne suffit pas de se réunir pendant 3 ou 4 jours à Davos pour changer le monde. Quelques éléments de philosophie politique. Alors que nous allons quitter l'Union européenne, le Royaume-Uni continuera d'être un défenseur mondial du libre-échange. Je ne sais pas comment ils font pour dormir la nuit. La situation n'est pas normale. Ils sont dans leur bulle entre personnes qui ont toujours eu le pouvoir. C'est le triomphe de la pensée unique. Je suis ici pour réaffirmer l'amitié et le partenariat de l'Amérique dans l'édification d'un monde meilleur. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Jean-Christophe Gras, je suis professeur de relations internationales à l'Université de Lausanne, plus précisément à l'Institut d'études politiques et au Centre de recherche en histoire internationale et études politiques de la mondialisation. Je vais tester tout de suite en entrée de matière votre mémoire. Avez-vous, selon vous, une bonne mémoire? Je pense que j'ai une bonne mémoire pour certaines choses et une très mauvaise mémoire pour beaucoup d'autres. Oui, si je vous demande ce que vous avez fait hier soir, vous en souvenez plus. Non, hier soir, ça va encore, parce que je suis pas à ce stade-là. Alors, la question est la suivante. Il y a trop de choses dont je ne me rappelle plus. Mais oui, parce que vous êtes un homme fort occupé. Alors, la question est la suivante, je ne vais pas vous la cacher plus longtemps. Quand avez-vous écrit, selon vous, ou à quelle occasion, cet article signé de vous, intitulé comme suit, « Qui gouverne ?» ? Le forum de Davos et le pouvoir informel des clubs d'élite transnationales. Alors, ce devait être au début des années 2000. Et puisque j'ai fait des recherches là-dessus, il y a bientôt 20 ans, en ayant même eu l'occasion d'y aller à Davos. Alors, on va parler de ça. Je sais très bien que quand on écrit quelque chose il y a une vingtaine d'années, et qui plus est, quand on a la somme de recherches et d'activités que vous semblez avoir par là-dessus, on n'a pas forcément à jour les mots que l'on a pu choisir, mais je vous citerai de temps en temps quelques-uns de vos extraits pour vous les rafraîchir immédiatement. Et puis après tout, ça ne peut pas être, Davos, un objet oublié, puisqu'il est, 20 ans après, toujours là. C'est intéressant de savoir un peu le paysage que vous avez pu voir à cette époque-là. Donc vous rendez visite aux cimes enneigées, vers 2001, 2002, quelque chose comme ça? Alors c'était en effet en 2001, janvier 2001. Et donc c'était une époque assez chaude du point de vue des mobilisations sociales. Et j'avais demandé officiellement de pouvoir accéder en tant que chercheur au centre des congrès, d'avoir une accréditation en tant que chercheur, ce qui m'a été refusé. Donc j'y suis allé par mes propres moyens. Refusé avec motif ou sans motif? J'ai pas bien vu les motifs, si ce n'est que probablement ils ont beaucoup de demandes. Il y a déjà 2000 journalistes présents. Et, on va pas s'encombrer d'un chercheur. C'est plus intéressant d'avoir des journalistes qui diffusent la parole que d'avoir un chercheur qui est là pour observer fouiner. Et fouiner. Donc, j'y vais, je monte en train. Déjà, dans le train, je rencontre quelques personnes plus ou moins éminentes puisqu'elles ne sont pas portées ni par hélicoptère, ni par limousine. Oui, c'est les petits notamment, attachés. Donc, on y entre graduellement. Bon, c'était quand même une directrice d'ONG très connue qui était, je pense, une des premières fois, la première fois que les ONG avaient une tribune officielle. Mais alors, la difficulté, c'était de se loger. Et j'ai trouvé finalement une vague auberge où j'ai pu avoir un lit superposé dans une chambre très petite qui devait faire 10 mètres carrés. Vous avez quand même réussi à mettre 3 lits superposés, donc on était 6. Et puis on entend bien les hélicoptères dans ce genre de masure, j'imagine. Et c'était en fait où logeaient, alors d'une part, les altermondialistes et des hommes d'affaires qui étaient aussi refusés au forum de Davos, mais qui venaient quand même là pour faire des affaires, notamment d'Asie centrale. Donc ça donnait tout de suite une certaine vision de ce qu'était le forum. We recognize that the world is changing at an incredible pace. What the World Economic Forum does is bring together leaders from all different backgrounds, from all different walks of life. And that provides a unique space for new ideas and new solutions to flourish. Alors, vous vous êtes interrogé dans cet article sur la réalité du pouvoir de ces clubs d'élite internationales. Et vous avez évoqué, il y a une vingtaine d'années, que finalement, l'objet du pouvoir informel dans les relations internationales, parmi les recherches actuelles, la nature de l'influence et de la relation avec l'État, ça reste largement équivoque. Ces clubs d'élite, dans leur construction même, ont sans doute, à l'évidence, du pouvoir, mais c'est un pouvoir qui reste tout de même, c'est ce que vous écriviez en tout cas il y a une vingtaine d'années, quand même limité. Est-ce que vous avez en tête cet objet-là, cette analyse-là, et est-ce que vous pourriez peut-être nous en donner quelques mots? Qu'est-ce que c'est que la limite du pouvoir d'un endroit comme Davos, dont on a l'impression, parce qu'en plus de ça, il y a la symbolique de la hauteur et de l'altitude, que ça surplombe le monde et que ça le domine, pour aller vite? Vous pouvez dire que la démarche était typique d'une analyse critique, c'était de prendre la distance par rapport à ce qu'on considère comme acquis et allant de soi. Alors évidemment, ce sont des gens qui ont du pouvoir, ça réunit tout un ensemble d'élites qui sont définies par les positions de pouvoir qu'elles détiennent dans le monde économique, politique, même maintenant artistique, religieux, dans de différents domaines. Qui donne des positions quand même de dirigeants d'élite. Et ma question, c'est de dire, mais quelles sont les évidemment, c'est des personnes qui ont du pouvoir, mais en fait, quelles sont les limites de ce pouvoir? Ces personnes n'ont pas tout pouvoir. On vit dans des organisations sociales marquées par une démocratie institutionnelle. Et les fichus contre-pouvoirs. Ouais, contre-pouvoirs. Donc, il ne se suffit pas de se réunir pendant 3 ou 4 jours à Davos pour changer le monde, ou même, comme le prétend le Forum économique mondial, améliorer l'état du monde. J'ai analysé ça en opposant deux concepts, on va dire, qui est celui de la direction hégémonique, de l'hégémonie, donc d'élite qui serait en mesure d'impulser une direction du monde sur une modalité plus ou moins consensuelle, mais être capable aussi de convaincre une configuration de force suffisamment large pour en impulser un changement auquel on puisse identifier un intérêt général et donc auquel une configuration suffisamment large adhère à l'échelle mondiale. Et l'autre concept, qui est celui de mythe social, emprunté à Georges Sorel. Alors ça, va falloir que nous le dépliez, voilà. Celui-là. Georges Sorel était un intellectuel français de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, et qui a notamment analysé la grève générale comme mythe social, au travers de laquelle des masses peuvent se sublimer et dans l'action accroître leur conscience de classe et donc impulser un changement radical dans la société. Avec mais presque temps, une proximité, pardon de vous interrompre, mais religieuse. Il établirait aussi presque une fougue, une foi du même ordre. Tout à fait. C'est vraiment l'effet du transport émotionnel. Dont la participation à un événement où les foules sont associées, qui créent ce changement chez les personnes et qui génèrent la possibilité d'une transformation sociale. Sorel est-il contemporain, peu ou prou, de Gustave Le Bon, ou il arrive un tout petit peu après? Un peu après, si un je me rappelle après. Bien. D'accord. Mais dans cette vision des changements sociaux liés aussi à la capacité des foules, à la psychologie des foules, donc, à impulser des changements. Oui. Donc, je vous ai interrompu, pardon, vous étiez sur Georges Sorel, et puis le mythe social, c'est comme ça qu'il est... Voilà, de penser les limites du pouvoir d'une organisation que je qualifie de club d'élite transnationale, donc de penser les limites de ce pouvoir par rapport à la spécificité de ce type de club, qui crée une limite, une démarcation nette, en fait, entre ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. C'est la définition d'un club. Ceux qui sont dedans, ce sont des gens, des élites, qui ont du pouvoir et qui vont débattre de grandes questions du monde et qui sont dans des positions supposées suffisamment influentes pour impulser un changement. Je compléterais même en disant que ce n'est pas seulement se contenter de débattre, c'est sans doute aussi poursuivre des affaires et accroître l'écart qui peut les séparer de ceux qui sont à l'extérieur des murs. Oui, tout à fait. Ouais. Tant qu'à faire d'état d'intérieur et relativement à l'abri, autant faire des affaires. Mais la particularité de ce mythe social de Davos, c'est que cela se fait dans une unité de temps, de lieu et d'action extrêmement dense, comme dans le théâtre classique. Et en 3 jours... Tout est ramassé. Tout est là. Toute la pièce se déroule. Et donc, il devrait, par cet effet de densité, créer une certaine conscience des élites devrait se renforcer pour vraiment accroître la volonté de changer quelque chose, d'avoir une espèce de conscience collective globale. Comme ça. Alors c'est ça, c'est le discours oui. officiel, public du forum. Et c'est le flyer. Il y a tout un ensemble de... Oui. d'initiatives qui sont prises. Et je pense que dans le temps qui sépare mes recherches empiriques et ce qui se fait aujourd'hui, c'est dans l'institutionnalisation, le développement d'initiatives, la croissance de l'organisation elle-même a été extrêmement importante. Et effectivement, des relais ont été développés entre le moment du forum et les différentes actions et les initiatives qui se développent tout au long de l'année, sur le reste de l'année. Donc la césure, la démarcation entre le club et le monde est probablement un peu moins grand aujourd'hui qu'il ne l'a été auparavant. Donc le mythe social est confronté à l'institutionnalisation de ce changement qu'on peut analyser par le concept de direction hégémonique ou d'hégémonie, donc lui emprunté à un autre auteur très connu dans la théorie sociale, qui est Antonio Gramsci, le fondateur du Parti communiste italien, et qui a pensé les rapports de domination au-delà de leur coercition, mais aussi par l'importance du consensus, et donc de créer une configuration de rapport de force suffisamment large à laquelle une société peut voir des intérêts plus généraux que les intérêts particuliers des classes dominantes. Voilà Emmanuel Macron en direct sur France Info. You mentioned the paradoxes of globalization. Et les paradoxes de cette mondialisation. Et lorsque vous arrivez ici, le paradoxe le plus important, c'est de parler de mondialisation dans un endroit qui est pratiquement isolé du reste du monde par la neige. Alors, une chose est certaine, ici à Davos, lorsque vous regardez par la fenêtre, surtout lorsque vous arrivez ici dans ce bâtiment, on a vraiment du mal à croire dans le réchauffement climatique. Heureusement, et bien évidemment, vous n'avez invité aucun sceptique du changement climatique cette année. Jean-Christophe Gras, vous allez nous prendre par la main et nous emmener dans une période largement antérieure que cette fin de 19e siècle ultra politisée, puisque vous évoquez, à la suite de Sorel, antérieurement évidemment, un philosophe napolitain, Giambattista Vico. Alors, lui, il a fallu que j'aille un peu fouiller, chercher pour voir ce qu'il avait fait, mais je suis fort loin de maîtriser l'œuvre globale de Vico. Pourquoi est-il allé chercher Vico? Qu'est-ce qu'il a apporté, lui? Surtout que c'est un 18e, un philosophe du 18e, hein, c'est bien ça? Alors, je ne suis pas un spécialiste de Vico, non plus, loin de là. Je suis entré chez Vico, en tout cas à l'entreporte de chez Vico, via mes pères, qui est Robert Cox, qui est donc un théoricien des relations internationales, récemment disparu malheureusement, et qui voit chez lui en fait une conception de l'histoire qui est intéressante pour comprendre des flux et des reflux dans la façon d'organiser le monde à l'échelle globale, puisque Vico, ce qu'on retient surtout de lui, c'est sa conception cyclique de l'histoire. Non pas une histoire linéaire, progressiste, qui serait celle de la vision hégélienne, on va dire, de l'histoire. Et donc, c'est une critique aussi de la modernité, l'idée selon laquelle les idées, en particulier portées par des élites, seraient celles qui guident et qui déterminent le cours de l'histoire. Restons un instant sur cette hypothèse. Et me vient à l'esprit l'image d'une balançoire, évidemment. Enfin, je dis évidemment parce qu'il y a cette dimension de balancier. Mais pourrait-on dire que la balançoire, dans cette hypothèse-là, reviendrait toujours au même point ascendant et descendant, ou le fait que ce soit des cycles contient quand même la notion de changement, à savoir qu'on ne réitère pas, on ne revient pas exactement à la même position, mais sensiblement, s'il y a cycle et circularité, ça a quand même bougé. Oui, oui, tout à fait. Ce n'est pas une conception cyclique liée à un immobilisme de l'histoire. Cercle parfait. On revient sur des points qui ont bougé et qui vont générer un nouveau cycle. Ce qui veut dire qu'à l'instar d'un Cox, Robert Cox, cette approche, je ne sais pas si elle est inaugurale chez Vico, intéressait encore, deux siècles plus tard, les chercheurs en relations internationales en disant cette piste-là, on peut l'évaluer sur des sociétés, dans des champs de recherche. Oui, tout à fait. Et un des éléments intéressants aussi chez Vico, c'est le... Si mes souvenirs sont bons, mais là, peut-être que je vais me tromper. Une fois de plus, votre mémoire va être mise en test. C'est l'importance des éléments, finalement, non pris en compte dans les déroulements de l'histoire. Le monde caché, le monde clandestin, et ça contribue aussi au développement de ces cycles historiques. C'est un Napolitain, quand même. Alors, on peut revenir sur Davos, si vous le voulez bien, Jean-Christophe Gras, pour dire également que il y a eu une parenthèse, 2002, New York, donc vous n'étiez pas en 2002 à Davos, puisque à ce moment-là, Davos était à New York, et que, après coup, alors évidemment, parenthèse 2002, New York, tout le monde aura compris que si Davos se déplace là-bas, c'est aussi lié au 11 septembre qui précède le 2002 en question, mais vous indiquez qu'il y a à la suite une forme de réorientation stratégique du forum. Quelle est la nature de cette réorientation? Quelle est l'intention nouvelle du forum? Est-ce d'être moins identifié à véritablement un club fermé, d'avoir moins d'étanchéité vis-à-vis du monde extérieur, ou au contraire de renforcer ce potentiel-là? Expliquez-nous un peu le Davos 2. Alors, que ce soit 2, 3 ou 4, je ne sais pas, mais en tous les cas, ce qui s'est joué, je pense, à ce moment-là, puis qui s'est rejoué après la crise de 2008, c'est que la volonté ou la prétention d'être un lieu autour desquels se pense une amélioration de l'état du monde ne peut pas se faire en réunissant un groupe aussi exclusif d'élites globales, et ne peut pas se faire sans avoir des relais précisément institutionnels pour passer de cette action condensée de prise de conscience, de diffusion d'idées, de mobilisation à des éléments plus structurels, plus institutionnels, et de relais dans les institutions existantes du monde tel qu'il est aujourd'hui. Oui, donc, mais alors, mettons des mots sur ça. Ce qui s'est fait, c'est d'avoir beaucoup plus d'initiatives, une croissance organisationnelle aussi. Finalement, aujourd'hui, c'est des centaines de personnes qui travaillent au secrétariat du Forum économique mondial et donc qui travaillent pour faire exister finalement ce moment, cette pièce de théâtre, sur les 360 autres jours de l'année. On aura l'occasion de voir dans le prochain documentaire d'Histoire vivante la présence telle qu'elle pouvait déjà exister et que vous avez mentionné d'une déléguée de Greenpeace. Il est donc à entendre que Davos entend faire la part et accueillir en son sein des éléments de dialogue, de confrontation d'idées. Est-ce que ces confrontations d'idées et dialogues se sont renforcées dans le Davos d'après 2002 ou ont plutôt tendance à s'amenuiser, à votre connaissance, Jean-Christophe Morin? Comme je vous l'ai dit, je suis plus de très près à ce qui se passe, mais je pense que ça s'est renforcé. Et c'est devenu chose commune d'avoir des panels où on a des représentants d'organisations non gouvernementales militantes, d'avoir des représentants syndicaux, des représentants de différents milieux qui ne sont pas limités au monde des affaires ou aux élites politiques. Nous avons demandé, nous avons passé d'ailleurs la semaine avec en compagnie de Barbara Stiegler, grâce à son dernier ouvrage, Il faut s'adapter, un ouvrage titré avec des guillemets bien sûr, où elle revient assez longuement sur cette dualité de philosophie politique entre un Dewey, John Dewey et Walter Lippmann, où pour l'un, la notion de démocratie par l'élite, structurée par l'élite, c'est la promesse d'un monde meilleur, tandis que Dewey, pour le résumer évidemment avec d'extrêmes grands traits, serait beaucoup moins favorable à cette verticalité, mais beaucoup plus à l'horizontalité. D'évidence, le prototype Davos appartient plus à la pensée néolibérale d'un Lippmann qu'à celle d'un Dewey, donc on pourrait considérer tout de même qu'à l'heure actuelle, c'est cette tendance-là qui l'a très nettement emporté, où vous auriez tendance, vous, Jean-Christophe Grin, peut-être à tempérer ça en disant « Davos, c'est un objet qui évolue, c'est pas un objet fixe ». Alors effectivement, Davos évolue et s'adapte à la configuration des rapports de force dans du monde dans lequel il se situe. Si vous voyez le discours du Davos des années 80, c'est un discours néolibéral pur sucre. Si vous voyez le discours du Davos des années 2010, c'est le discours du développement soutenable. Donc, effectivement, c'est un discours qui évolue en fonction, on va dire, du champ du possible dans lequel on peut concevoir les réformes auxquelles les élites peuvent adhérer. Et c'est là la limite aussi à la fois de sa capacité d'initiative et de son pouvoir. Puisque la raison d'être de Davos, c'est de pouvoir concilier la capacité à produire un message auquel on pourrait identifier l'intérêt général de l'avenir du monde, mais aussi l'intérêt particulier des participants qui viennent là, pour faire avancer des négociations dans leurs propres affaires, étendre leur réseau de contacts, et puis surtout utiliser la caisse de résonance que constitue Davos le temps qu'on y est. Donc c'est en gros aussi le problème de l'ampleur du sacrifice que des élites sont prêtes à faire pour pouvoir assurer un changement auquel les classes ou les groupes les plus désavantagés puissent voir éventuellement un intérêt auquel s'associer. Jean-Christophe Grain, quand vous avez devant vous ces chères têtes blondes et là, qui sont vos élèves, pardon, je vous... oui, évidemment, on l'avait mesuré ou deviné en tout cas. Vos étudiants aujourd'hui, y en a-t-il parmi eux, à votre connaissance, qui ont l'idée ou ont déjà pratiqué Davos comme objet d'étude? Parce que vous, c'est Mathusalem, ça a une vingtaine d'années. Il faudrait... Alors, parmi mes étudiants, non, parce que c'est assez compliqué, en fait, comme objet de recherche, parce qu'il faut y avoir accès, donc il faut prendre du temps, du terrain. Après, comment on a accès aux participants? D'ailleurs, pour moi, c'était assez difficile. Un simple bonjour Vladimir ne suffit pas, donc vous voulez dire... Ça dépend qui on connaît. Ça dépend qui on connaît. Donc... Pour des recherches étudiantes, c'est relativement compliqué. Mais il y a d'autres gens qui ont travaillé là-dessus. Depuis, il y a eu quelques autres publications, même un ouvrage ou deux. Donc oui, ça se pratique. Mais ça reste un club exclusif. Donc si vous n'êtes pas dedans, vous saurez relativement peu de choses. Jean-Christophe Grain, merci d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Je rappelle que vous enseignez à Lausanne. Peut-être, si l'on a envie de lire vos derniers ouvrages, vos derniers opus, est-ce que vous pourriez orienter l'auditeur afin qu'il devienne lecteur de votre œuvre? Alors, mon dernier ouvrage, mais il est en anglais, il s'appelle « The Power of Standards ». C'est pas sympa pour les francophones, uniquement francophones. Oui. Mais l'avantage qui est sympa, c'est qu'il est libre d'accès. Ah. Entièrement libre d'accès, grâce aux contribuables suisses qui financent le Fonds national suisse de la recherche scientifique. Il y a une politique tout à fait ambitieuse en matière de libre accès pour les recherches scientifiques. Le résumé est le plus pitché. C'est une étude qui s'intéresse aux spécifications techniques qui soutiennent ou non l'internationalisation des services, donc les normes dites techniques dans le domaine des services qui sont considérés comme plus difficiles à internationaliser que les biens, et de voir dans quelle mesure ces normes contribuent à orienter le type de service qui vont, la manière dont se font ou s'offrent des services, et en particulier par rapport aux différents types de services. Il y a des services qui sont très caractéristiques, hein, qui sont dans la relation, qui sont intangibles et donc qui sont supposés être difficiles à internationaliser, et d'autres qui sont plus matériels, moins relationnels, et qui sont censés fonctionner un peu comme des biens. Et j'essaie de retourner cette différenciation et de voir comment c'est plutôt le contenu, l'objectif d'économie politique de la norme, de la spécification technique qui va déterminer le soutien, l'instrument que constitue une norme de service international. Et j'ai étudié les assurances et les services de sous-traitance aux entreprises en Inde. Mais sur un sujet aussi important pour les sociétés, nos vies, vous êtes un expert qui devait écrire dans une langue fort peu compréhensible pour le commun des mortels, alors que ça fait partie des sujets, quand vous dites société de service, on se sent immédiatement impliqué. Vous avez déjà pensé à la version bande dessinée de votre ouvrage? Ce serait, si j'ai un illustrateur, je le ferai avec grand plaisir. Voilà, et ben l'appel est lancé. Merci à vous. Merci. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Christian Morero.